L'invité du 6-9 d'Inter à 8h-10 est un des Belges de France Inter, Guillermo Guise. Bonjour. Bonjour. On vous retrouve régulièrement dans la bande originale de Nagui sur cette antenne. Vous serez aussi, Guillermo, sur scène jeudi, vendredi et samedi à Paris, au Bataclan, avant une tournée en France, partout en France et chez vous en Belgique. Guillermo Guise, difficile d'échapper à la question, est-ce que l'on monte sur la scène du Bataclan comme sur n'importe quelle autre scène ? Je vais tout à fait franc avec vous, j'y suis pas encore monté moi, donc il va falloir qu'on voit en fait, bêtement. Hein. Moi je suis pas un robot, je suis un humain. Il y a une appréhension et... Mais évidemment, dire que la scène du Bataclan sera pas chargée émotionnellement pour moi, c'est complètement, c'est absurde. Bien sûr que ce sera quelque chose de particulier. Après, est-ce que j'espère quand même que la force de ce qu'on fait, la force du fait d'être sur une scène et de pratiquer un art quelque part, entre guillemets, même si le stand-up, bon, c'est un petit art on va dire. Je pense que ça pourra faire oublier pendant un laps de temps particulier ce qui s'est passé. Après, on n'oubliera jamais naturellement et ce sera toujours quelque chose de fort. La force du rire, surtout Guillermo Guise, que vous avez un sketch sur le terrorisme et vous allez le jouer. Bien sûr, c'est ce que je dis dans le spectacle. Je dis, je pourrais l'enlever, mais je ne vais pas parler une heure et demie de ma bite non plus, quoi, avec tout le respect que j'ai pour ma bite. Non, mais c'est vrai, c'est que c'est. Moi, c'est quelque chose. J'ai toujours été éduqué comme ça. Moi, j'ai toujours dédramatisé les situations. Les pires qui me sont arrivés dans la vie, je les ai toujours dédramatisés par l'humour. C'est une porte de sortie, c'est une manière de souffler, c'est une manière de continuer, finalement. Et en fait. Je pense que je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Et les gens qui viendront au Bataclan, qui feront le pas de le faire et qui viendront écouter ce que j'ai à dire, ben ils sauront forcément que je vais faire du deuxième degré sur plein de sujets et que je ne vais pas m'empêcher d'en faire sur le terrorisme. C'est un deuxième degré qui est nourri cependant de lecture, d'expérience surtout, d'expérience personnelle et professionnelle. Vous avez été journaliste, hein, c'est un métier comme un autre finalement, et vous étiez journaliste localier au soir. Mm-hmm. À Molenbeek, à Bruxelles. Tout à fait. Alors c'est vrai que j'ai suivi pendant plusieurs années les activités, la politique municipale à Molenbeek. Je tiens à dire que je suis pour rien. Non enfin, je pense dans ce qui s'est passé. C'est pas de votre faute. je crois pas. Mais néanmoins, c'est vrai que j'y étais et donc je sais très bien. Je connais. Puis j'ai vécu moi à Molenbeek aussi, donc j'y ai vécu. J'ai vécu Anderlecht très très longtemps, qui est la commune voisine de Molenbeek. On va évoquer Anderlecht tout à l'heure. Donc je connais très très bien ce qui s'y passe et c'est vrai que voilà, ça fait partie de mon passé que je ne renie pas. Le journal. Vous savez, c'est un métier comme un autre. Hein. Exactement. Et on peut même faire rire. Vous parliez de votre passé, de votre envie de dédramatiser toute situation. Vous expliquez quand même que vous avez été saboté à la naissance par vos parents parce que votre vrai prénom, Guillermo Guise, c'est Guy. Et vous dites dans votre spectacle, quand tu t'appelles Guy, t'es pas un enfant de l'amour, t'es un enfant de la vengeance. Oui, c'est sûr que s'appeler Guy, c'est jamais le petit plus qui fait la différence quand on est enfant, quand on est adolescent, à moins quand on est en soirée. Oui, tout à fait, certainement pour la séduction. C'est vrai que moi, j'ai mes parents, ils ont été punis par une mort prématurée. Dieu était vigilant sur ce coup-là. Il vous a vengé. Il m'a vengé. Bon, vous savez qu'il y a un grand patron à Radio France qui s'appelle Guy Lagache. Hein. Tout à fait, tout à fait. Bah oui, mais en effet, c'est notre génération quand même. Ouais. Vous évoquiez cette enfance difficile entre guillemets. Vous êtes né à Anderlecht. Anderlecht. C'est sans doute la seule commune au monde où il y a une statue de Jean-Claude Van Damme. Alors, en effet, alors les gens pensent toujours que je mens. Non, c'est vrai. Il y a vraiment une statue. Alors, je dis qu'au pied de la statue, il y a des bougies, des bêcherelles. Mais qu'en fait, fondamentalement, c'est vrai. Pour c'est réapprendre typiquement... le français. C'est complètement. C'est quand même typique de ce qui peut se passer à Bruxelles, comme ça, de mettre une statue. En plus, là, pour le coup, la statue de Jean-Claude Van Damme, elle est vraiment placée dans un endroit qui est entre deux, sur un boulevard, où il y a vraiment beaucoup de passages. C'est complètement impossible de s'y recueillir, par exemple, pour peu qu'on puisse vouloir se recueillir. Il y a pas de gilets jaunes au rond-point Jean-Claude Van Damme. C'est vraiment trop excentré, je vous promets. C'est la catastrophe, la manière dont ils ont placé la statue de Jean-Claude Van Damme. Mais ça prouve quand même qu'on peut être un pays parfois étonnant, quand même. Dans vos sketchs, vous ne vous moquez pas seulement d'Anderlecht, votre ville, votre commune natale. Vous vous moquez aussi de Saint-Raphaël dans le Var. Racontez-nous ce trajet en autobus à Saint-Raphaël. Non, c'est vrai que j'explique que je suis allé à Saint-Raphaël et que je n'étais pas du tout préparé au fait qu'il n'y ait que des vieilles en fait, et des vieux. Je ne savais pas du tout. Et que, en fait, j'avais l'impression que moi qui adore les vieilles, en fait, que c'était un peu l'île de la tentation. Quoi. J'étais, je ne savais plus donner de la tête. Quoi. Il y avait des Monique, des Thérèse partout, etc. Et je me suis retrouvé effectivement dans un bus avec une très, très, très, très, très, très, très, très, très vieille dame que j'ai essayé d'aider. La suite, évidemment, venez le voir si, sur scène, je le raconte. Par exemple, au Bataclan, à partir de jeudi soir. Vous partez toujours de la vie quotidienne pour broder vos sketchs. Votre vie quotidienne, il y a une trame permanente, hein, c'est vos échecs, c'est la loose, professionnelle ou sentimentale. Contrairement à Charline qui officie à cette heure-ci, vous ne parlez pas de politique, vous, enfin, en tout cas, vous commentez pas la politique. L'actualité ne vous inspire pas ou vous n'avez pas envie de vous en inspirer ? Non, je pense qu'il y a des gens qui le font très très bien, y compris mes compatriotes Charline et Alex, qui le font très bien parce qu'ils s'intéressent et ils lisent suffisamment, je pense, de journaux, de revues, etc., de politique pour pouvoir avoir un avis qui est pertinent. Moi, il s'avère que je vis encore à Bruxelles, je fais des trajets dans le Thalys, etc., et je trouve que c'est parfois un peu péremptoire de venir ici dans un pays qui est un pays ami mais étranger et venir donner son avis sur la politique française, surtout si on s'y intéresse pas plus que ça. Moi, je préfère parler de ce que je connais et en général, c'est plutôt mes échecs et c'est les thèmes qui sont sociétaux, mais à travers, par le biais finalement, de ce qui m'arrive à moi. Quoi. Oui, cela dit, vous pouvez puiser dans l'actualité belge, puisque la meilleure blague belge, c'est qu'à nouveau, votre pays n'a pas de gouvernement. Et à nouveau, on va vivre avec, vous allez voir. Ça va être très très bien, mais je pense qu'en fait, il faut aussi pas oublier qu'on a pas vraiment pas de gouvernement. C'est-à-dire qu'en Belgique, il y a tellement on a plus de gouvernement, je pense que vous en avez, même quand il n'y en a pas. Quoi. Donc, il y a beaucoup d'institutions en Belgique. Oui, il y a beaucoup de strates politiques chez nous et que fondamentalement, on continue à avancer en affaires courantes ou pas, mais parce qu'il y a suffisamment de niveau de pouvoir que pour pouvoir faire tourner le pays quand même. Ne tombons pas dans l'exagération. Guillermo Guise, merci d'être venu. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. On vous retrouve très vite chez Nagui et puis vous serez à partir de jeudi soir au Bataclan à Paris. Bonne fête, Guy. Bonne journée.